Mes amis, ça y est, je suis dans le jus de Roland-Garros. Je m'occupe des greluches, vous le savez. Enfin, greluche. Hier, je rentre dans le vestiaire, suis Navratilova, qu'elle partage avec Amélie Mauresmo et Serena Tyson-Williams. Eh ben, ça fout un peu la trouille, hein. Serena était en train de faire un peu de musculation. Ah, je sais pas combien elle soulève pour les pectoraux, puisqu'elle soulevait la machine en entier, mais ça avait l'air bon, hein. Amélie, la coquette du groupe, elle se faisait le maillot. Ah, oh, elle était appliquée, hein, elle faisait bien gaffe de pas se couper un bout de couille. Quant à Navratilova, la vétérante, elle avait l'air plutôt décontractée. Elle était là, debout, à se soulager dans l'urinoir du vestiaire, tout en fumant une petite clope de la main gauche. Oh, moi, un peu choqué, pour reprendre mes esprits, j'ai été faire un tour dans le couloir. Ah, oh, et là, qui je vois arriver vers moi, en courant? Helmut! Qu'est-ce qui se passe, Zouzou? Gustavo malade, Gustavo fait le fièvre! Gustavo, ma Gustavo Quarten Cabeza de Culo, le meilleur joueur de tennis du Brésil du monde. Et alors, moi, j'y peux quoi si ton travelot est la malaise? Ma donne le short au Marcelinho. Marcelinho? Le Marcelinho, ça veut dire Marcel en Brasilau. Allez, mange ton culo! Il faut le Zouzou, il dépêche le match comme c'est bientôt. Zouzou changé, Zouzou joue à la place Gustavo. Attends, Zouzou, tu sais jouer au tennis au moins? Ma, tu rigoles ou quoi? La Zouzou, elle était champion au Jokari 88 Copacabana. Mais le jokari à la plage, c'est pas le tennis professionnel, Zouzou, enfin. Mais c'est raquette, tous les deux, c'est la même chose. Ouais, après tout, t'as peut-être pas tort. Allez, tiens, vite, prends mon short et mon Marcelinho. Oh, vas-y, donne. Oh, merde, les shorts Helmut, il est trop grand pour le petit culot des Zouzou. Oh, merde, comment on va faire? Bah, c'est pas grave, le Zouzou, elle va jouer avec les strings. Mais t'es malade ou quoi? Si t'as pas de poche, tu vas les mettre où, les balles? Bah, pas le problème, le Zouzou, il sait où va les mettre, les balles. Ah non, non, tu peux pas faire ça, mon Zouzou. Non, il y a des enfants qui regardent. Bah, Zouzou, rien à foutre, les enfants. Allez, je vais échauffer mon corps, maintenant. Attends, tu peux pas les jouer comme ça, t'as des talons aiguilles. Bah, c'est des talons aiguilles Adidas. Ah bon, bah, ça va, alors, j'ai rien dit. Et puis le Zouzou, il est rentré sur le court central. Il a joué contre ton espingouin, là, Almagro, et il a gagné. Bon, pas super facilement, hein, 5-7, mais quand même. Et puis c'est la première fois qu'un joueur passe un tour à Roland-Garros avec une raquette de jokari. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Serena. Ah, elle veut que je la masse dans le vestiaire. Moi, je veux bien, mais j'appelle des gardes du corps avant. Bon, allez, au revoir.